Sanganino. Elini Bel, Nivigira. Les manettes sont tenues par Emeto Samitewuti. Nous sommes samedi 10 novembre 2018. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici tout d'abord les grandes articulations. La compagnie aérienne kenyane Kenya Airways suspend depuis le 11 novembre courant la vente des tickets pour ses vols sur Bujumbura. C'est ce qui apparaît dans un communiqué de cette compagnie rendu public ce vendredi. Un délai de 2 semaines a été donné aux sociétés et coopératives minières œuvrant dans la province de Lomongue pour avoir retiré de la liste de leurs employés les fonctionnaires de l'État, dont les forces de l'ordre. Et à la fin de cette édition, on va vous proposer la chronique art et culture. Aujourd'hui, on va vous parler de la peinture. À la fin de cette édition, Jean Bosco Ndouimana et Léonce Vitalio seront au studio pour vous présenter la revue de la presse. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, je vous l'avais dit en titre, la compagnie aérienne Kenya Airways a pris la décision ce vendredi de suspendre temporairement la vente des tickets Bujumbura-Nairobi et Nairobi-Bujumbura dès le 11 novembre de cette année. Dans un communiqué rendu public le même jour, cette compagnie explique que cette décision a été prise pour des raisons administratives. Kenya Airways dit être surprise par le non-respect par le gouvernement burundais de son agrément avec le gouvernement kenyan sur le changement du modèle d'avion qui effectue ses vols sur Nairobi, Bujumbura. Toutefois, cette compagnie kenyane indique que pour les clients qui ont déjà des tickets, les vols vont se poursuivre. Contacté à ce propos, l'aviation civile du Burundi estime qu'il est encore tôt pour s'exprimer sur cette mesure. Les sociétés d'exploitation des mines et carrières opérant dans la province de Lumonge ont un délai de 2 semaines pour avoir retiré les fonctionnaires de l'État comme ceux de la défense, de la sécurité et de la justice. C'est la mesure prise par le gouverneur de cette province juvénale, Bigirimana, après une réunion tenu ce vendredi avec ses sociétés, il promet des sanctions à l'encontre des coopératives et sociétés minières qui ne respectaient pas la loi suivie. Jusqu'à maintenant, nous avons 9 associations d'exploitation ici dans notre province de Lomongue. Et quels sont les critères pour les agréer? Les critères des coopératives vont chercher l'autorisation, mais en passant tout d'abord auprès de l'administrateur communal pour que ce dernier puisse délivrer une attestation de vacances de terrain. Et par après, il passe auprès des services de l'environnement ainsi que l'OBM pour qu'il puisse délivrer une attestation de conformité environnementale. Et par après, il se dirige auprès du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Et par après, c'est le ministre ayant en charge l'énergie et mines dans ses attributions qui donne une autorisation d'exploitation de ces produits, que ce soit minier ou carrière. On avait une réunion d'expliquer les clauses d'une réunion qu'on a tenue, c'était mercredi passé à Ngozi, qui était présidée par son Excellence le Président de la République. S'il y a une coopérative qui a eu une autorisation, que cette autorisation doit passer par l'administration provinciale pour que nous puissions y apposer le cachet provincial avant de commencer. À cela, ils nous ont dit que toutes les autorisations se trouvent jusqu'à maintenant auprès du ministère de l'énergie et mines et on leur a demandé d'aller les retirer immédiatement. Chaque coopérative qui a eu une autorisation, il ne faut pas qu'elle dépasse les limites. Il y a des associations qui se donnent le droit de dépasser les limites de terrain attribués. Et qu'en est-il de la composition de ces coopératives minières? Pour ces coopératives minières ainsi que coopératives de carrière, c'est que tout fonctionnaire ainsi que les forces de défense ainsi que les forces de sécurité, ces gens-là ne sont pas autorisés à adhérer dans ces coopératives. Dans notre province, on a donné 2 semaines. 2 semaines pour que les représentants de ces coopératives puissent retirer toute personne qui n'est pas autorisée par la loi d'adhérer dans ces coopératives. Juvenal Bigirimana, il est gouverneur de la province de Lumonge, c'est au sud du pays. Revenons à Bujumbura, le pont de la rivière Mimba qui facilite l'accès à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM risque de s'écrouler si rien n'est fait. Propos du commandant de l'ISCAM ce vendredi lors de l'ouverture de l'année académique 2018-2019. À cet institut, colonel Baratouza Gaspard a indiqué que cela fait suite aux eaux de deux rivières, dont celle de Mimba. Il demande un appui pour mener les travaux de soutien du dit pont. On l'écoute. Il y a un pont qui passe devant les bâtiments de l'ISCAM et qui menace d'écroulement à cause des eaux de deux rivières. L'une provient de Moussaga, passant par Mimba, l'autre descend des collines de la commune Kanyosha et passe derrière l'ISCAM. Nous sollicitons votre concours pour entreprendre les travaux de soutènement du pont sur la rivière Mimba. Il y a aussi les voisins du quartier Kinanira 3 qui ont des bâtiments qui sont aussi menacés. Cette rivière constitue aussi une menace à court terme pour ces bâtiments. Colonel Gaspard Baratouza, commandant de l'ISCAM, dans une traduction française de notre confrère Oban Nyonghuru. La République populaire de Chine a beaucoup contribué de façon satisfaisante au développement du Burundi dans les différents secteurs. Cela a été dit ce vendredi par le ministre des Sports, de l'Art et de la Culture. C'était à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burundi. L'ambassadeur de la Chine au Burundi a quant à lui indiqué que son pays compte entamer la deuxième étape en matière de développement au Burundi. Détail avec Évariste Nzikobanyan. 55 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et le Burundi, beaucoup de projets en matière de développement ont été réalisés. Lors des cérémonies marquant cet anniversaire, le ministre des Sports, de l'Art et de la Culture, Perat Nyonguru, qui a représenté le gouvernement, a salué les contributions de la Chine au Burundi. La coopération entre la République populaire de la Chine et le Burundi se trouve être une des meilleures de son histoire, avec plusieurs réalisations tangible à la base dans le domaine de l'éducation, la santé, les infrastructures routières, l'énergie, diverses constructions architecturales et dans l'humanitaire. Au regard de tous ces chantiers évoqués et des principales activités d'intérêt commun en cours de réalisation, nous nous permettons de dire que nous célébrons ensemble un renouvellement constant de cette coopération fructueuse qui mérite une appréciation très positive, caractéristique de notre amitié qui date bientôt de plus d'une demi-siècle. L'ambassadeur de la Chine au Burundi, quant à lui, a indiqué que depuis lors, son pays a beaucoup aidé dans plusieurs secteurs. Li Changlin souligne que son pays compte franchir la deuxième phase en mettant en œuvre les 8 initiatives de son pays issues du récent sommet Chine-Afrique. Au cours de ce demi-siècle écoulé, la coopération sino-burundaise a enregistré des résultats satisfaisants dans les domaines politiques, économiques, culturels, agricole, sanitaire et autres. Je ne peux pas ici énumérer tous les projets réalisés dans le secteur susmentionné. Ce que je voudrais souligner ici, c'est dans le cadre de la mise en œuvre des 8 initiatives majeures annoncées par le président chinois Xi Jinping au dernier sommet Chine-Afrique tenu les 3 et 4 septembre. La coopération sino-burundaise entrera dans une nouvelle phase avec une diversification des domaines d'intervention chinoise au Burundi. Les cérémonies commémoratives du 55e anniversaire de la coopération sino-burundaise ont été marquées par des chansons et des jeux chinois ainsi que le tambour burundais. Merci Évariste Nzikobanyan. On va marquer une petite pause et on revient pour parler de l'éducation. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h05, la même heure à Gitega, dont la commune scolaire souffre de plusieurs difficultés liées essentiellement à l'insuffisance des enseignants et de manuels supports pédagogiques, ainsi que certains enseignants qui se comportent mal envers leurs éduqués. À cela s'ajoute une mauvaise place et note qu'a eu la commune Gitega au concours national de 9e année, édition 2018. Ce sont les propos tenus ce vendredi par le directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle à Gitega lors de cérémonie de la Journée internationale de l'enseignant. Le monde célèbre cette journée le 5 octobre de chaque année. Gérard Niwigira, correspondance. Habarugira Philibert est directeur communal de l'éducation, de la formation technique et professionnelle à Gitega, qui fait savoir que cette commune scolaire manque 57 enseignants, dont 22 de l'école fondamentale et 35 du poste fondamental. Cela a alors rendu obligatoire le recrutement des professeurs bénévoles et vacataires qui exigent un certain intéressement. Il ajoute aussi que des manuels et supports pédagogiques manquent essentiellement dans les classes terminales de l'enseignement général et pédagogique et dans toutes les classes de l'enseignement technique. En outre, Habonimana Philibert met en garde les enseignants qui commettent des fautes qui ternissent l'image de la commune et la province de Gitega par des harcèlements sexuels à l'endroit de leurs éduqués et par des maltraitements variés à l'encontre des élèves. C'est après qu'au début de cette année, un enseignant a engrossé son élève puis a failli la tuer par des coups de machette avant de fuir. Et le mois dernier, un enseignant a été accusé par le tribunal de grande instance de Gitega de frapper à mort son élève de la cinquième année. Il termine en expliquant certaines des raisons qui sont à l'origine de la mauvaise place et note de la commune scolaire de Gitega au concours national de 9e année édition 2008. Pour lui, c'est l'opération de redéploiement qui en est la cause du moment que certains enseignants ont mis beaucoup de temps à formuler des recours et n'ont pas exécuté les décisions de leurs nouvelles affectations, tandis que d'autres ont exécuté mais sans loger là où ils étaient affectés de nouveau, causant ainsi beaucoup de cas de retard et d'irrégularité au service. La commune Gitega a donc occupé la 7e place avec 53% au concours national édition 2018 sur 11 communes que compte la province de Gitega. Depuis Gitega, Jean Huguia pour la radio Isanganiro. Toujours dans les nouvelles des provinces, quittons le centre du pays pour aller à l'ouest, à Bubanza. Les habitants du centre de Musenyi en commune Mhanda se plaignent d'un phénomène dit nouveau dans la localité où des enfants de moins de 14 ans s'adonnent au banditisme et au cambriolage dans des maisons et des boutiques. Les victimes disent ne pas comprendre pourquoi ces enfants sont relâchés chaque fois qu'ils sont arrêtés. De son côté, le procureur de la République à Bubanza fait savoir qu'un enfant de moins de 15 ans ne peut pas être emprisonné, mais qu'il existe dans le pays des centres de rééducation pour les enfants en conflit avec la loi Spes Caritas Kabanyan. Les habitants de Musenyi, victimes de ce vol et pillage commis par des mineurs de 15 ans, qualifiés de pénalement irresponsables, se demandent ce qu'il faut faire pour être rétablis dans leurs droits. Aussitôt que ces enfants sont attrapés par les victimes, ils sont aussitôt relâchés par la police, selon des témoins sur place à Musenyi. La même source indique qu'il y aurait des personnes adultes qui se cachent derrière ces enfants, leur montrent des maisons et des boutiques où ils peuvent piller et de retour, le butin est partagé. Le chef de zone Musenyi explique que le nombre de ces enfants qui n'ont même pas voulu fréquenter l'école n'est pas encore connu jusqu'à présent et que la plupart d'entre eux rentrent dans leur famille. Cette autorité locale ajoute qu'il s'agit d'un phénomène qui perturbe la sécurité dans cette localité actuellement. De son côté, le procureur de la République dans cette province de Bubanza fait savoir qu'un enfant de moins de 15 ans est un mineur pénalement irresponsable, qu'ils ne peuvent donc pas être emprisonnés, mais qu'on peut réparer les dommages en remettant, par exemple, ce qu'il a volé. Richard Ndayisaba ajoute également qu'il existe dans certaines provinces des centres de rééducation des enfants âgés de 15 à 18 ans, des enfants en conflit avec la loi. Il tranquillise cependant les habitants de Musenyi et dit qu'il va voir comment résoudre ce problème en collaboration avec l'administration provinciale et le centre de développement familial et communautaire. Merci Spes. De l'ouest au nord du pays, pour parler agriculture, tous les caféiculteurs demandeurs de nouveaux plans vont en bénéficier. Lambert Nunzubumwe, coordinateur technique au sein de la fédération Morelangu-Kidze de la province Ngozi, tranquillise les demandeurs des communes où la demande est supérieure aux plans se trouvant dans les pépinières. Qu'il y a d'autres communes où la situation est inverse et que ces plans seront déplacés vers ces communes. L'objectif, selon cet ingénieur agronome, est de doubler la production caféicole dans cette province. Apollinaire Munzagar. Comme l'indique Lambert Nunzwumne, 1 923 000 nouveaux plants d'eau caféiers seront ces jours-ci donnés à 14 145 bénéficiaires de la province Ngozi. Bon nombre de ces demandeurs se sont déjà préparés à cette campagne. Des jauges dans lesquelles seront plantés ces caféiers ont même été créées dans certaines communes comme Busiga, Ngozi et autres, où la demande est forte par rapport aux plants se trouvant dans les pépinières. Les bénéficiaires doutaient de l'approvisionnement de ces nouveaux plants d'eau caféiers, mais le coordinateur technique au sein de la Fédération des caféiculteurs Ngorongikizé de la province Ngozi tranquillise qu'il y a d'autres communes qui ont plus de plants vu le nombre de demandeurs. Ce surplus sera déplacé vers les communes nécessiteuses, explique-t-il. L'objectif de ce programme du gouvernement burundais, selon cet ingénieur agronome, est de doubler la production de cette culture d'exportation pour monter l'économie burundaise. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganil. Radio Isanganiro, chronique culture. La peinture demande des techniques et des précisions pour arriver à réaliser un bon dessin qui peut répondre aux normes internationales pour être vendu dans des compétitions internationales. Comme le dit un des artistes et peintres burundais, Mozart Naigombeye, il interpelle les parents de suivre de près le comportement de leurs enfants futurs peintres qui peuvent avoir des talents cachés qu'il faut mettre à surface pour tout en les encourageant à ne pas oublier les études chroniques, art et culture avec Christian Savi. Pour arriver à faire un bon dessin, il faut des techniques et des normes à suivre qui vont enrichir votre dessin, comme nous le dit Mozart Naigombeye, un des artistes peintres du Burundi. Par exemple, en développant un portrait d'un individu, là, on ne fait qu'imiter, agrandir ou maigrir tout en respectant les mesures. L'observation des natures, l'imagination des natures, je les dessine tout en respectant les normes de ce que j'observe. Mozart croit que le plus important dans l'art de peindre ou de dessiner est de développer son talent et vivre sa passion. J'ai appris à le devenir, à devenir peintre. Mes parents n'aimaient pas beaucoup ce que je faisais. Je ne faisais que multiplier beaucoup de dessins, avec des dessins multiples, d'imagination, des dessins d'observation. Et j'ose le dire, je ne peux pas dire que c'est héréditaire pour moi. Toute la famille, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui aime ce genre d'art. L'art de dessiner peut être héréditaire. Même si Naigombe est Mozart, lui, il est prêt à accueillir le talent d'un de ses fils. Aujourd'hui, il ne l'encourage ni le décourage. Parmi mes enfants, il y aurait quelqu'un qui va me suivre. Pour le moment, je ne suis pas en mesure de le préciser. Mais je commence à constater qu'un de mes fils qui est en première année, pour le moment, je ne peux pas le décourager ou l'encourager. Mais quand il deviendra adulte, je lui expliquerai ou je l'encouragerai en lui montrant la manière dont il va suivre. Sachez que même si cet art n'est pas très développé au pays, le peu de Burundais qui le pratiquent, certains d'entre eux ont déjà décroché des prix internationaux. Merci Christian Savier, c'est sur cette chronique qu'on va mettre fin à cette édition. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour la mise en onde. Et l'Inibé Nivigira, je voulais présenter, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Tout de suite, c'est la revue de la presse avec Léon Sebitali et Jean Bosco Ndouiman. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu est revenu cette semaine sur la 5e session de dialogue qui a été clôturée fin octobre à Arusha, en Tanzanie. Dans un éditorial, il parle d'une opinion déboussolée. Plus d'un se demande ce que pourrait être la suite. L'incertitude politique fait grandir les inquiétudes. Une opinion ne semble plus croire aux solutions qui viendraient des chefs d'État de la région, encore moins de la communauté internationale. Elle semble fatiguée, déboussolée. Depuis 3 ans, poursuit Iwachu, le dialogue interburundais n'a marqué aucune évolution, du moins à l'extérieur. Le journal Iwachu écrit également sur des tracts qui inquiètent Arumonge et Nyanzalak. Les habitants vivent dans la peur, Depuis que des inconnus se réclamant d'un mouvement rebelle pour la défense de la démocratie ont laissé des tracts dans la nuit du 30 octobre. Depuis le passage de ce groupe d'inconnus, un climat de suspicion règne dans les deux communes. C'est encore pire à Muhanda, renchérit notre confrère. Sur cette colline de la zone Eburuhu Kilon en commune Rumonge, les habitants sont constamment sur le qui-vive. Ils guettent chaque geste. Les mouvements d'un visiteur sont surveillés dans les moindres détails. Mais pour tout, la police et l'administration rassurent, c'est une simple intimidation. Le gouverneur provincial de Rumonge demande à la population de ne pas prêter oreille à ses détracteurs. Que vous ne soyez pas distraite par ces agissements, car à l'approche des échéances électorales, c'est le même mode de procédure. Il leur demande de redoubler de vigilance, faire preuve de solidarité et ne jamais céder à la peur. Faites gaffe au centre-ville de Bujumbura la nuit, prévient un blogueur de Yaga en raison d'une insécurité qui pèse sur les habitants de la capitale. Le banditisme de toutes sortes, les viols et les tortures se font remarquer. Paradoxalement, s'étonne-t-il, même les agents de l'ordre sont parmi les gens à craindre dans ces rues pendant la soirée, comme certaines de ses connaissances en témoignent. Ce qui fait du centre-ville, au-delà de 21h, un endroit désolé, propice à tous les maux. Revue de la presse. Nos confrères de l'agence burundaise de presse rapportent le vol d'un montant de 13 millions de francs burundais à la poste d'Igenda la nuit du dimanche 4 novembre. Un vol opéré de façon étonnante, puisque la porte principale a été ouverte par les présumés voleurs qui ont pris le soin de changer le cylindre avant de progresser vers les guichets et prendre, après ouverture des coffres forts, 5 millions au guichet numéro 1, 3 millions au guichet 2 et 5 millions de francs burundais chez le gérant. L'ABP rapporte qu'au moment où le soupçon pèse sur le personnel de cette agence de la poste, 4 agents, à savoir le gérant, son adjointe qui avait travaillé la journée de dimanche, une autre caissière et la sentinelle de nuit sont aux arrêts pour interrogatoire. Ce qui étonne plus d'un, écrit notre confrère, c'est que les coffres forts ont été ouverts et bien fermés, ce qui montre que les voleurs avaient des clés doubles. Le Burundi régresse dans le classement Doing Business. C'est le titre du magazine Burundi Echo qui précise que le classement annuel du groupe de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires place le pays à la 168e place, soit une régression de 4 places par rapport à l'année précédente. Cette situation serait liée à un certain nombre d'indicateurs clés en baisse malgré les réformes entreprises. Les réformes et réglementations analysées couvrent essentiellement 11 domaines, notamment la création d'entreprises, l'obtention de permis de conduire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, l'exécution de contrats, etc. Le classement Doing Business édition 2018 place ainsi le Burundi à la 168e position sur 190 pays dans lesquels les enquêtes sur l'environnement des affaires ont été menées. Éducation, en mairie de Bujumbura, la direction provinciale de l'enseignement fait avancer de classe un élève qui a échoué en conduite. Le cas a eu lieu au lycée municipal de Buyenzi selon le journal La Voix de l'enseignant. Et c'est en violation de l'ordonnance ministérielle fixant les conditions d'avancement de classe. La direction provinciale de l'enseignement a intimé l'ordre à la directrice de cet établissement scolaire de refaire le bulletin d'une élève de la 7e année pour qu'elle avance de classe alors qu'elle avait un échec en éducation. La directrice a refusé, arguant que seul le jury de délibération a la compétence de changer la décision en rapport avec l'avancement ou non d'un élève. Face à ce refus, la direction provinciale de l'enseignement à mairie de Bujumbura a décidé de faire avancer cet élève ailleurs, au lycée de la CPBU. Elle a obligé la direction de recevoir l'élève sans condition, rapportent nos confrères de la Voix de l'enseignant, qui précise que les enseignants des deux établissements réclament le respect de la loi. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Jean Bosco Ndouimana et Léon Sevitalio. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.